Chapitre 4. Suivant les ordres du capitaine du König Harald, Lord Launceston Stamford avait été consigné dans sa cabine immédiatement après la découverte de l'assassinat de Samuel Fite. Cette opération, c'est de la consignation du noble lord que je parle, avait été facilitée par ce fait que Lord Stamford dormait profondément dans sa cabine lorsque le premier officier du paquebot suédois s'y était présenté. Lord Launceston Stamford avait le sommeil assez lourd, car il n'avait pas répondu tout de suite au coup frappé à la porte de sa cabine. Enfin réveillé et mis au courant de la situation par le premier officier du König Harald, il s'était profondément incliné. « Je connaissais en effet M. Fite, avait-il répondu, et je regrette à la fois sa mort malheureuse et aussi d'avoir été présenté à ce gentleman. Car n'est-ce pas, je n'ai pas besoin de vous dire que je suis innocent, n'ayant plus quitté ma cabine depuis hier soir à 10 heures. Il est vrai que je ne peux le prouver. Mais d'autre part, je connais assez la justice américaine pour savoir qu'elle ne me condamnera pas, ni même ne maintiendra mon arrestation sous le futile prétexte qu'un mourant a prononcé mon nom. Peu importe, d'ailleurs, tout ce que je vous demande, c'est de bien vouloir rappeler au garçon qui me sert de ne pas oublier de m'apporter mon chocolat à 8 heures, si nous ne sommes pas arrivés, et des rôtis, pas trop grillés. Je vous en remercie d'avance, capitaine. » Sur quoi, Lord Launceston Stamford, un gaillard mince et musclé, paraissant à peine 30 ans, s'était incliné légèrement comme pour indiquer qu'il considérait l'entretien comme terminé. Le premier officier du König Harald, vieux marin grisonnant et bedonnant, n'avait pas trouvé un mot à répondre. Il s'était retiré et avait laissé 2 matelots en sentinelle à la porte de la cabine du noble lord. Or, l'officier de justice américain, après avoir constaté la disparition mystérieuse du cuisinier Teublich, voulut entrer dans le vif du sujet. Accompagné de plusieurs détectives, du capitaine, du docteur et du commissaire du König Harald, il gagna la cabine où Lord Stamford était enfermé. Ce dernier, rasé, poudré, était en costume de voyage, prêt à débarquer. Aux premières questions du policier, il coupa court. « Je ne connais rien de toute cette malheureuse affaire que ce qu'on m'en a raconté, » affirma-t-il. « Je n'ai pas bougé de ma cabine cette nuit. Je ne connaissais que peu M. Fite. » Et je ne comprends vraiment pas le motif qui vous fait croire à ma culpabilité. Je vous prie donc de me laisser débarquer, ayant mon train à prendre. Moyennant quoi, je m'abstiendrai de porter plainte pour le préjudice qui m'est causé. Monsieur Allistone, tel était le nom de l'officier de police, hocha la tête d'un air embarrassé. Rien, en effet, ne permettait de retenir Lord Stamford, car la dénonciation du mourant ne pouvait suffire à elle seule, d'autant plus que rien ne prouvait que Samuel Fite, en prononçant le nom de Lord Stamford, ait voulu indiquer que c'était lui l'assassin. D'autre part, si c'était lui l'assassin, M. Allistone se disait qu'il serait certainement révoqué s'il le laissait échapper. Son embarras était grand. « Well, my lord, » dit-il enfin, « je ne doute pas que vous soyez innocent, mais vous comprendrez qu'en tout état de cause, je ne puisse prendre sur moi de décider sur votre cas. Je vous prierai donc de bien vouloir m'accompagner chez l'attorney général qui décidera. » « Allons-y, et le plus vite possible, » conclut Stamford, souriant. Mais M. Allistone était moins pressé, lui. « Je vous demande pardon, my lord, » dit-il très poli. « Mais j'ai encore quelques investigations à faire avant de quitter le bord. Je le regrette vivement, croyez-le, mais le devoir avant tout. Et puis, qu'est-ce que c'est que quelques minutes de plus ou de moins pour quelqu'un qui arrive d'Europe ?» Lord Stamford eut goûté très peu la plaisanterie, car il ne répondit pas, s'assit dans un des fauteuils meublant la cabine et tranquillement alluma un cigare de prix. Vous me pardonnerez, my lord, si je laisse 2 hommes à la porte de votre cabine, acheva Allistone. C'est le règlement et je m'y conforme. D'un geste de la main, Stamford fit comprendre que cette formalité lui était suprêmement indifférente. Allistone et ceux qui l'accompagnaient sortirent, laissant le noble lord seul. Lord Stamford m'a tout l'air d'être innocent, murmura Allistone à l'adresse du capitaine Hanson dès qu'ils furent dehors. Mais il ne faut rien négliger. Et mettant immédiatement ce précepte à exécution, le policier, s'étant installé dans le fumoir, procéda aussitôt à l'interrogatoire des garçons de cabine du paquebot. Le 4e qui fut interrogé, un certain Hobson, commença par affirmer, à l'exemple de ses camarades, qu'il ne savait rien de toute l'affaire. Mais Allistone, ayant deviné, à son embarras, qu'il mentait, il finit par bafouiller. « Guy, non que je ne mens pas, mais quoi, je voulais avoir mon tip, mon pourboire. » Et c'est sûr que je ne l'aurai pas, maintenant que vous avez arrêté le lord. J'aime autant tout dire. D'abord, c'est pas grand-chose. C'est vrai, Au moment où la cloche de la passerelle piquait les 8 coups de minuit, j'ai vu le Lord sortir de la cabine 29. Pas d'erreur possible, c'était bien lui. Il était en habit et filait comme un marsouin entre deux eaux. Il ne m'a même pas vu, bien qu'il ait failli me renverser. Et puis, il est entré d'un trait dans sa cabine qui n'est pas bien loin de celle de M. Fyde. Voilà tout ce que je sais. Vous comprenez, moi, c'est pas mes affaires, toutes ces manigances-là. Je suis père de famille. J'ai 6 enfants à gaffle. Faut qu'ils mangent. Alors tout ce que je demandais, c'est que le Lord me donnât un bon pourboire. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Mais puisqu'il est arrêté, autant tout dire, pas vrai ? Alistoun, Hanson et le commandant du bord se regardèrent. Cette fois, ils tenaient la vérité. La déposition de Hobson était écrasante pour Lord Stamford. « Vous êtes bien sûr de ne pas vous être trompé ?» insista Alistoun après quelques secondes de silence. « Oh non ! D'abord, quand le Lord a ouvert la porte de sa cabine, dont les lampes étaient allumées, la lumière l'a éclairé en plein. Je l'ai bien vu. Vous pouvez me confronter avec lui. Nous verrons cela. Pour l'instant, veuillez vous tenir à la disposition de la justice qui vous demandera de répéter cette déclaration. » Monsieur Alistoun maintenant jubilait. Son enquête préliminaire, après avoir menacé de tourner court, aboutissait pleinement. Pas de doute, Lord Launceston Stamford était bien l'assassin de Samuel Fyde. Restait à trouver le mobile du crime, mais cela la justice l'éclairerait. « Et dire que j'ai failli me laisser prendre en protestation de ce blooming lord, » grommela le policier. Il bondit à terre et, au moyen du téléphone le plus proche, transmit à ses chefs le résultat de ses investigations. Le résultat fut que, 20 minutes plus tard, Lord Launceston Stamford, malgré ses vigoureuses protestations d'innocence, fut emballé dans une auto et conduit à la prison de l'État de New York. Comme il est aisé de le deviner, les journaux, avertis, s'emparèrent aussitôt du crime commis à bord du König Harald, qui devint l'énigme de la cabine 29. Le jour même de son arrestation, Lord Launceston Stamford fut confronté avec le garçon Hobson, lequel maintint ses affirmations. À la stupéfaction générale, Lord Stamford déclara que le garçon de cabine disait la vérité. « Je suis bien entré chez M. Fyde, avoua-t-il. Je vais jouer avec lui et j'avais perdu un millier de dollars sur parole. Je venais les lui rendre après être allé les chercher dans ma cabine. Lorsque je suis entré dans sa cabine, il était déjà poignardé. Que pouvais-je faire ? Prévenir ? J'eus peur d'être moi-même soupçonné et m'esquivais. J'eus tort, je le vois, mais trop tard. En tout cas, je ne suis pas l'assassin. » Et je me réserve de le prouver dès que je serai en liberté. » Cette dernière affirmation ne manqua pas de faire sourire le juge chargé de l'affaire. « Il allait bien, le Lord. » « S'il vous faut être libre pour faire éclater votre innocence, Monsieur Stamford, » murmura le magistrat, « je crains bien que cela soit pour vous une tâche impossible. » Lord Launceston Stamford eut un mince, très mince sourire et ne répondit pas. Il signa tranquillement son interrogatoire et fut reconduit dans sa cellule. Dès ce moment, tout le monde fut convaincu de sa culpabilité. Le lendemain, il fut de nouveau interrogé. Le juge lui fit remarquer l'invraisemblance de son système de défense. On a 48 heures pour régler une dette de jeu, donc il était bien inutile que le Lord alla déranger M. Fyde à minuit pour s'acquitter. Vous oubliez, monsieur le juge, que le König Harald allait arriver ici dans la matinée suivante. Je devais donc m'acquitter avant de débarquer. En effet, mais dans ce cas, pourquoi avoir attendu 2 heures pour cela ? Tous les témoins sont d'accord pour affirmer que M. Fyde a quitté le fumoir à 10 heures. Or, c'est à minuit que vous êtes sorti de sa cabine. Vous auriez pu y aller avant. Je savais que M. Fyde ne se mettrait pas au lit cette nuit-là. Il avait des comptes à établir. Il me l'avait dit. Je ne me suis pas pressé. Je ne pouvais pas deviner qu'on allait l'assassiner. Vous êtes un habile homme, M. Stamford. Très habile, en effet, car cet interrogatoire-là fut le dernier. Le jour suivant, comme le juge attendait son client pour l'interroger une fois de plus, un coup de téléphone du directeur de la prison lui apprit que Lord Launceston Stamford venait de s'évader, malgré l'active surveillance dont il était l'objet. L'énigme de la cabine 29 devenait de plus en plus indéchiffrable. Et les autres événements, qui devaient marquer cette mémorable journée, devaient encore continuer à l'embrouiller, ainsi qu'on le verra.